Chapitre 18. Quand elle eut 12 ans, sa mère lui dit « Serais-tu contente de voyager un peu, ma fille, et de voir des pays nouveaux ?»« Certainement, » répondit Catherine, « j'ai toujours eu envie de voir les pays bleus. »« Que me chantes-tu, la petite? Il n'y a pas de pays bleus. » »« Si fait, je les vois tous les jours du toit de la bergerie. Tout autour de notre pays qui est vert, il y a un grand pays qui est bleu. » « Ah, je vois ce que tu veux dire. Ça te paraît comme ça parce que c'est loin. Eh bien, tu peux contenter ton envie. Ta grand-tante Colette, qui demeure loin d'ici dans la montagne et que tu ne connais pas parce qu'elle n'est pas revenue chez nous depuis plus de 30 ans, demande à nous voir. La voilà très vieille et elle est seule, n'ayant jamais été mariée. Elle n'est pas bien riche et tu auras soin de ne lui rien demander. » Au contraire, il faut lui offrir ce qu'elle pourra désirer de nous. J'ai peur qu'elle ne s'ennuie et qu'elle ne meure faute de soins. Allons la trouver et si elle veut que nous la ramenions au pays, je suis prête à lui obéir comme c'est mon devoir. » Catherine se souvint vaguement d'avoir entendu quelquefois ses parents parler entre eux de la tante Colette. Elle n'avait jamais bien compris ce qu'on en disait. Elle ne chercha pas à en savoir davantage. L'idée de changer de place et de voir du nouveau lui faisait bouillir le sang. Elle avait beau être devenue sage, les Roitelet avaient eu raison de la traiter de curieuse. Elle l'était toujours, et ce n'était pas un mal. Elle aimait à s'instruire. La voilà partie en diligence avec sa mère. Elles voyagèrent pendant un jour et une nuit et arrivèrent tout étonnées dans la montagne. Sylvaine trouvait cela fort vilain. Catherine n'osait pas lui dire qu'elle le trouvait fort beau. Quand elles descendirent de voiture et demandèrent le village où demeurait Madame Colette, on leur montra un chemin aussi rapide que le toit de la bergerie de Catherine et on leur dit « Il n'y en a pas d'autre, suivez-le. » « Eh bien, voilà un drôle de chemin, » dit Sylvaine. « C'est le monde à l'envers. Il faudrait avoir 4 pattes comme une chèvre pour marcher dans ce pays-ci. » « Le voilà, ton pays bleu, Catherine. Le trouves-tu à ton gré ?»« Je t'assure qu'il est bleu, » répondit Catherine. « Regarde le haut de la montagne, maman. Tu vois bien que c'est bleu. »« C'est de la neige que tu vois, ma pauvre enfant, et de près, elle est blanche. »« De la neige en été ?»« Oui, parce qu'il fait si froid là-haut que la neige n'y fond pas. » Catherine pensa que sa mère se trompait et n'osa pas la contredire. Mais elle était impatiente d'aller s'assurer de la vérité, et elle grimpait comme une petite chèvre, encore qu'elle n'eût point 4 pattes à son service. Quand elles furent rendues au village, Sylvaine bien lasse et Catherine un peu essoufflée, on leur dit que la tante Colette n'y demeurait pas l'été, mais elle était de la paroisse et sa maison n'était pas bien loin. Alors on leur montra un petit toit de planches couvert de grosses pierres avec des sapins tout autour et on leur dit « C'est là, vous n'avez plus qu'une petite heure à marcher et vous y serez. » Sylvaine manqua perdre courage. Il y avait autant à monter pour arriver à cette maison qu'on avait déjà monté pour gagner le village et c'était encore plus raide et plus effrayant. Elle avait peur que Catherine n'eût pas la force d'aller jusque-là, et l'endroit lui paraissait si laid et si sauvage qu'elle pensa à redescendre et à retourner vite dans son pays, sans faire savoir à la vieille tante qu'elle était venue dans le sien. Mais Catherine n'était point lasse ni effrayée. Elle rendit le courage à sa mère, et quand elles eurent déjeuné, elles se remirent à grimper. Il n'y avait pas à choisir le bon chemin, il n'y en avait qu'un, et elle n'avait pas besoin de guide. Elles n'eussent pu se distraire en causant avec lui. Les gens de ce pays-là ne savaient que quelques mots de français. Il parlait un patois que ni Catherine ni sa mère ne pouvaient comprendre. Enfin, quoique le sentier fût dangereux, elles arrivèrent sans accident à la maison couverte en planches. Il y avait tout autour des bois de sapins très jolis qui laissaient à découvert une espèce de prairie en pente douce, creuse au milieu, sans fossé ni barrière, mais abritée des avalanches par des roches très grosses, et tout de suite au-dessus commençait la neige qui semblait monter jusqu'au ciel, d'abord en escalier blanc soutenu par le rocher noir, et puis en cristaux de glace d'un beau bleu verdâtre, et cela finissait dans les nuages. « Cette fois, nous y sommes bien dans le pays bleu, » pensa Catherine toute joyeuse, « et si nous montions encore un peu, nous serions dans le ciel. » En ce moment, elle pensa à une chose qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Elle se dit qu'on pouvait monter dans les nuages, et elle se souvint de son nuage rose comme d'un rêve qu'elle aurait eu. L'enfant était si ravie par la vue du glacier qu'elle ne fit pas d'abord grande attention à la tante Colette. Pourtant, elle était curieuse de la voir, et plus d'une fois en voyage, elle s'était demandé quelle femme ce pouvait être. C'était une grande femme pâle, avec des cheveux d'argent et une figure assez belle. Elle ne montra pas grand étonnement de voir Sylvaine. « Je t'attendais presque, » lui dit-elle en l'embrassant. « J'avais rêvé de toi et de ta fille. Voyons si elle est comme je l'ai vue dans mon rêve. » Catherine s'approcha. La tante Colette la regarda avec de grands yeux gris très clairs qui semblaient voir les gens jusqu'au fond de l'âme. Puis elle l'embrassa en lui disant « C'est très bien, très bien. Je suis contente que cet enfant soit venu au monde. » Quand les voyageuses furent un peu reposées, elle leur montra toute sa résidence. La maison qui paraissait petite de loin était grande, vue de près. Elle était toute en bois, mais en si beau bois de sapin et si bien bâtie qu'elle était très solide. Les grosses pierres posées sur le toit empêchaient le vent d'enlever ou de trop secouer la charpente. Tout était fort propre à l'intérieur, et les meubles cirés et reluisants faisaient plaisir à voir. Il y avait beaucoup de vaisselle et d'ustensiles de cuivre. Pour lit, des caisses de bois remplies de laine et de crin, avec de beaux draps blancs et de bonnes couvertures, car il ne faisait jamais chaud dans cet endroit-là. On y faisait du feu tout l'été, et le bois ne manquait point. Une bonne partie des arbres qui entouraient la prairie appartenaient, comme la prairie elle-même, à la tante Colette, et dans cette prairie, qui était fort grande, elle nourrissait de belles vaches, quelques chèvres et un petit âne pour faire les transports. Il y avait un jeune garçon pour soigner les bêtes, et une jeune fille pour faire le ménage et aller aux commissions, car la tante Colette aimait à bien vivre. Et deux fois par semaine, elle envoyait au village chercher la viande ou le pain. En un mot, elle était riche, très riche pour une paysanne. Et la Sylvaine, qui ne s'était point doutée de cela, car elle était venue pour l'assister si besoin était, ouvrait de grands yeux et se sentait intimidée comme devant une dame fort au-dessus d'elle. Catherine était un peu confuse aussi, non pas d'être plus ou moins pauvre que sa grand-tante, mais de voir que celle-ci lui était supérieure par l'éducation. Pourtant, en la trouvant bonne et aimable, elle se tranquillisa et sentit même pour elle une amitié comme si elle l'eût toujours connue. Alors, dès le premier jour, elle se mit à la questionner sans façon et apprit qu'elle avait été femme de confiance d'une vieille dame qu'elle avait soignée jusqu'à sa mort et qui lui avait laissé de quoi vivre. « Mais elle n'était pas bien riche, ma vieille dame, » ajouta la tante Colette. « Et ce n'est pas avec ce qu'elle a pu me donner que je me suis procuré les aises que vous voyez chez moi. C'est avec mon travail et mon industrie. « C'est avec le beau bétail que vous savez élever ?» dit Sylvaine. « Mon bétail entretient mes affaires, » répondit Colette. « Mais avec quoi ai-je acheté de la terre pour le loger et le nourrir ? Le devineras-tu, petite Catherine ?»« Non, ma tante, je ne le devine point. Sais-tu filer, mon enfant ?»« Oh, certainement, ma tante, si à mon âge je ne savais pas filer, je serais bien sotte. Sais-tu filer très fin ?»« Mais oui. » « Assez fin. Elle est la première fileuse de chez nous, » dit Sylvaine avec orgueil, « et on lui apporterait n'importe quoi à filer qu'elle en viendrait à bout. »« Filerait-elle bien des toiles d'araignée ?» dit la tante Colette. Catherine pensa qu'elle se moquait et répondit en riant, « Dame, dame, je n'ai jamais essayé. »« Voyons comment tu files, » reprit la grande tante en lui mettant au côté une quenouille d'ébène et en lui donnant un petit fuseau monté en argent. « Voilà de bien jolis outils. dit Catherine en admirant la finesse de la quenouille, qui était droite comme un jonc, et le fuseau léger comme une plume. « Mais pour filer, ma tante, il faut avoir quelque chose à mettre sur la quenouille. »« On trouve toujours quelque chose quand on a de l'invention, » répondit la tante. « Je ne vois pourtant rien ici à filer, » reprit Catherine, « car vous parliez de toile d'araignée, et votre maison est trop bien époustée pour qu'il y en ait un brin. »« Et dehors, Catherine, puisque te voilà sur le pas de la porte, ne vois-tu rien du tout à mettre sur ta quenouille ?» « Non, ma tante, car il faudrait que l'écorce des arbres fût broyée et la laine des moutons cardée, et à moins de filer ces nuages qui sont là-haut sur le glacier et qui ont l'air de grosses balles de coton, eh bien, qui te dit qu'on ne puisse pas filer les nuages ?»« Excusez-moi, je ne savais pas, » dit Catherine, devenue toute pensive et toute sotte. « Tu vois bien, » lui dit Sylvaine, « que ta grande-tante se moque de toi. » « Pourtant, reprit la tante, vous savez comment on m'appelle dans le pays ?»« Je l'ignore, répondit Sylvaine. Nous ne comprenons pas le langage de la montagne, et vous pouvez vous gausser de nous tant qu'il vous plaira. »« Je ne me gausse point. Appelez Benoît, mon petit valet, qui sert le dîner sous le berceau. Il parle français. Demandez-lui comment je m'appelle. » Sylvaine appela Benoît, et bien honnêtement lui fit la question. « Comment, dans le pays d'ici, « appelle-t-on Madame Colette, ma tante ?»« Eh pardi, » répondit Benoît, « on l'appelle la grande fileuse de nuages ?» On questionna de même la petite servante qui répondit sans hésiter la même chose. « Voilà qui est étonnant, par exemple, » dit Catherine à sa mère. « Filer des nuages, eh bien, pourtant, ma tante, » ajouta-t-elle, « vous m'apprenez une chose dont je m'étais toujours doutée, c'est qu'on peut manier ces choses-là. » Quand j'étais petite, une fois, elle s'arrêta en voyant sa mère lui faire de gros yeux, comme pour lui dire « Ne recommence pas cette sornette-là ». Madame Colette voulut tout savoir et Sylvaine lui dit « Excusez une enfant, ma tante, c'est encore si jeune. Son idée n'est point de se moquer de vous comme vous vous êtes moqué d'elle. C'était votre droit, elle sait bien que ce ne serait pas le sien. » « Mais enfin, » reprit la vieille, ça ne me dit pas ce qu'elle voulait dire. Ma chère grand-tante, dit Catherine avec des yeux pleins de larmes, je ne me permettrai pas de me moquer, et pourtant maman me croit menteuse. Je vous assure qu'une fois, étant petite, j'ai ramassé un petit nuage blanc dans mon tablier. Ah oui, da, dit la tante sans paraître ni fâchée ni surprise. Et qu'en as-tu fait, ma mignonne? As-tu essayé de le filer? « Non, ma tante, je l'ai laissé s'envoler, et il est devenu tout rose, et même il est parti en chantant. »« As-tu compris ce qu'il disait dans sa chanson ?»« Pas un mot, dame, j'étais si jeune. » »« Après qu'il s'est envolé, ne s'est-il pas changé en tonnerre ?»« Vous dites justement la vérité, ma tante. Il a effondré notre toit, et il a cassé notre gros pommier qui était tout en fleurs. » « Voilà ce que c'est que de ne pas se méfier des ingrats, » reprit Madame Colette, toujours très sérieuse. « Il faut se méfier de tout ce qui change, et les nuages sont ce qu'il y a de plus changeant dans le monde. Mais je pense que vous avez faim. Voilà le dîner prêt. Aidez-moi à tremper la soupe, et nous nous mettrons à table. » Le dîner fut très bon, et Catherine y fit honneur. Le fromage et la crème étaient exquis. Il y eut même du dessert, car la tante avait dans un bocal des macarons au miel qu'elle faisait elle-même et qui étaient délicieux. Ni Sylvaine ni sa fille n'avaient jamais fait un pareil repas. Quand on eut dîné, la nuit étant venue, Madame Colette alluma sa lampe et apporta un petit coffre qu'elle posa sur la table. « Viens ça, » dit-elle à Catherine. « Il faut que tu saches pourquoi on m'appelle la fileuse de nuages. Approche aussi, Sylvaine, tu apprendras comment j'ai gagné ma petite fortune. » Qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce coffret dont la tante Colette tenait la clé? Catherine mourait d'envie de le savoir. Il y avait quelque chose de blanc, de mou et de léger, qui ressemblait si bien à un nuage que Catherine poussa un cri de surprise et que Sylvaine, s'imaginant que sa tante était sorcière ou fée, devint toute blême de peur. Ce n'était pourtant pas un nuage, c'était une grosse floche d'écheveaux de fil fin, mais si fin, si fin, qu'il eût fallu couper un cheveu en 10 pour faire quelque chose d'aussi fin. C'était si blanc qu'on n'osait y toucher, et si fragile qu'on craignait de l'emmêler en soufflant dessus. « Ah, ma grand-tante !» s'écria Catherine, toute ravie. « Si c'est vous qui avez filé cela, on peut bien dire que vous êtes la première filandière du monde et que toutes les autres sont des tordeuses de ficelles. »« C'est moi qui ai filé cela, » répondit Madame Colette. « Et tous les ans, je vends plusieurs de ces boîtes. Vous n'avez pas remarqué, en venant ici, que toutes les femmes font de la dentelle très fine, qui se vend très cher. Je ne peux pas les fournir toutes, et il y a beaucoup de fileuses qui travaillent fort bien, mais aucune n'approche de moi, et on me paie mon fil 10 fois plus que celui des autres. C'est à qui aura du mien, parce qu'avec le mien, on fait des ouvrages qu'on ne pourra plus faire quand je ne serai plus de ce monde. Me voilà bien vieille, et ce serait grand dommage que mon secret fût perdu. N'est-ce pas vrai, Catherine ? « Ah, ma tante !» s'écria Catherine. « Si vous vouliez me le donner, ce n'est pas pour l'argent, mais je serais si fière de travailler comme vous. Donnez-moi votre secret, je vous en prie. »« Comme ça, tout de suite ?» dit la tante Colette en riant. « Eh bien, je te l'ai dit, il s'agit d'apprendre à filer les nuages. » Elle serra son coffret, puis, ayant embrassé Sylvaine et Catherine, elle se retira dans sa chambre. Elles couchèrent dans celle où elles se trouvaient et où il y avait un troisième lit pour René, la petite servante. Comme ce lit se trouvait tout près de celui de Catherine, elles babillèrent tout bas avant de s'endormir. Sylvaine était si lasse qu'elle n'eut pas le temps de les écouter. Catherine faisait 1000 questions à René, qui était à peu près de son âge. Elle n'avait qu'une chose en tête, elle voulait savoir si elle connaissait le secret de sa grand-tante pour filer les nuages. « Il n'y a pas d'autre secret, » lui répondit René, « que d'avoir beaucoup d'adresse et de patience. Pourtant, pour saisir un nuage, le mettre sur une quenouille, l'empêcher de vous fondre dans les doigts, en tirer un fil, ce n'est pas là le difficile. Le tout, c'est de faire le nuage. Comment de faire le nuage ? Eh oui, c'est de le carder. Carder le nuage ? Avec quoi ? » René ne répondit pas. Elle s'endormait. Catherine essaya de s'endormir aussi, mais elle était trop agitée, le sommeil ne venait pas. La chandelle était éteinte, et dans la cheminée il n'y avait plus que quelques braises. Cependant, Catherine voyait une petite clarté dans le haut de la chambre. Elle sortit sa tête du lit et vit qu'au haut de l'escalier par où la tante Colette s'en était allée, il y avait, le long de la porte, un filet de lumière. Elle n'y put tenir, et marchant pieds nus avec précaution, elle gagna l'escalier. Il était en bois, et Catherine craignait bien de le faire craquer. Elle était si légère qu'elle réussit à atteindre sans bruit la dernière marche et à regarder dans la chambre de sa tante par la petite fente de la porte. Devinez ce qu'elle vit. Elle ne vit rien qu'une chambrette très propre, avec une petite lampe pendue dans la cheminée. Il n'y avait personne dans cette chambre, et Catherine se retira toute confuse, car elle sentait bien qu'elle venait de faire quelque chose de très mal en voulant s'emparer par surprise d'un secret qu'elle ne méritait plus d'apprendre. Elle retourna à son lit en se faisant des reproches qui furent cause qu'elle eut de mauvais rêves. Elle se promit en s'éveillant de n'être plus si curieuse et d'attendre le bon plaisir de sa tante. René l'emmena traire les vaches, et puis elles les menèrent au pré. Si l'on peut appeler pré un ressaut de montagne tout herbu naturellement et point du tout cultivé. C'était tout de même un endroit bien joli. Une belle eau bien froide qui suintait du glacier se détournait en suivant le rocher et allait tomber en cascade au bout de l'herbage. Catherine, qui n'avait jamais vu de cascade que dans l'écluse des moulins, trouvait cette aussi belle qu'elle s'éblouissait les yeux à regarder tous les diamants qu'elle charriait au soleil. Elle n'osait pourtant pas la traverser en sautant de pierre en pierre comme faisait René, mais elle s'y habitua vite, et au bout de 2 heures, c'était un jeu pour elle. Elle voulut aussi monter un peu sur le glacier. René lui montra jusqu'où on pouvait aller sans danger de rencontrer des crevasses et lui enseigna la manière de marcher sans glisser. À la fin de la journée, Catherine était tout enhardie et même elle savait quelques mots du patois de la montagne. Comme tout était nouveau pour elle, elle s'amusa beaucoup et prit la montagne en si grande amitié qu'elle eut un vrai chagrin quand Sylvaine lui parla le lendemain de s'en retourner dans son pays. La tante Colette était si douce, si indulgente. Catherine l'aimait encore plus que la montagne. « Eh bien, ma fille, lui dit Sylvaine, il y a un moyen de te contenter, c'est de rester ici. Ta grand-tante désire te garder, elle m'a promis de t'apprendre à carder et à filer aussi bien qu'elle. Mais il faut du temps et de la patience, et comme je te connais un peu trop vive et sujette à changer d'idée, j'ai dit non. Pourtant, si tu te crois capable d'apprendre à filer aussi bien que ta tante, comme tu as déjà réussi à filer aussi bien que moi, je ne dois pas m'opposer à ce que tu deviennes riche et heureuse comme elle. C'est à toi de te consulter. » La première idée de Catherine fut d'embrasser sa mère en lui jurant qu'elle ne voulait pas la quitter. Mais le lendemain, Sylvaine lui ayant dit que c'était un grand tort de négliger l'occasion de s'instruire, elle hésita. Le jour d'après, Sylvaine lui dit « Nous ne sommes pas riches. Ta grande sœur a déjà 3 enfants et le frère aîné en a 5. Moi, veuve, je crains pour mes vieux jours. Si tu étais riche et savante, tu sauverais toute la famille. Reste ici. La tante Colette t'aime beaucoup. Tes petits défauts ne la choquent pas et je la vois disposée à te gâter. L'endroit te plaît. Je reviendrai te chercher dans 3 mois. Et si tu veux revenir avec moi au pays, nous reviendrons. » Si c'est le contraire, tu resteras, et qui sait si la tante ne te donnera pas un jour tout ce qu'elle possède. Catherine pleura encore à l'idée de quitter sa mère. Reste avec moi, lui dit-elle. Je te jure que j'apprendrai à carder et à filer dans la perfection. Mais Sylvaine avait déjà le mal du pays. Si je restais ici, dit-elle, j'y mourrais ou j'y deviendrais folle. Vois si tu veux cela. Et d'un autre côté, vois si, pouvant nous enrichir, tu crois devoir t'y refuser. » Catherine s'en alla coucher en sanglotant, mais en promettant à sa mère de faire ce qu'elle lui dirait de faire. Le lendemain, Renée ne l'éveilla pas et elle dormit jusqu'à 9 heures du matin. Alors elle vit auprès de son lit la tante Colette qui lui dit en l'embrassant « Ma petite Catherine, tu vas être courageuse et raisonnable. Ta mère est partie de grand matin. Elle t'a embrassée de tout son cœur pendant que tu dormais et m'a chargée de te dire qu'elle reviendrait dans 3 mois. Elle n'a pas voulu t'éveiller. Tu aurais eu trop de chagrin de la voir partir. » Et comme Catherine pleurait très fort, tout en demandant à sa tante de lui pardonner son chagrin, « Je ne trouve pas mauvais que tu regrettes ta mère, » reprit la tante Colette. « Cela doit être, et tu ne serais pas une bonne fille si tu ne la regrettais pas. » Mais je te prie, dans ton intérêt, mon enfant, d'avoir le plus de courage que tu pourras, et je te promets de faire de mon mieux pour que tu sois heureuse avec moi. Tu dois te dire que ta mère a beaucoup de chagrin aussi, et qu'une seule chose peut la consoler, c'est d'apprendre que tu te soumets de bonne grâce à sa volonté. » Catherine fit un effort sur elle-même et embrassa sa tante en lui promettant de bien travailler. « Pour aujourd'hui, répondit la tante, tu vas te distraire et te promener. Demain, nous commencerons. »